Bon, là, ça devrait fonctionner. Donc, dites-moi s'il y a du son. Bon, j'ai de la misère. J'ai tombé de la misère un matin. On dirait que ça fait exprès, hein? Donc, est-ce que ça fonctionne? Je vais attendre qu'il y ait des gens, là. Le son fonctionne. Bon, excellent. C'est étrange. Ils me disent qu'il n'y a personne. Le son, c'est parfait. Bon, j'ai pas le choix de prendre ce micro-là. Donc, oui, cette fois, c'est bon. Bon, excellent. Il y a du son. Bonjour, Valérie. Je suis allé voir le site de Isia. C'est très bien. C'est sûr que ça m'impressionne toujours. Je ne sais pas comment ça on fait des sites. J'ai jamais été. Je suis un petit peu arriéré là, par la technologie. Donc, bon, si on était dans un contexte différent, je pense que j'aurais même pas d'ordinateur. Donc, bon, rebonjour Virginie. Ah, vous m'aviez écrit, puis je le voyais même pas. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des choses? Il est arrivé beaucoup de choses dernièrement. Puis, bon, comme d'habitude, je me rappelle même pas. Excellente interprétation de Sound of Silence. OK. Ah, c'est l'oiseau moqueur. Ouais. Ah oui, tu parles de l'autre, le Cassin Carfinkel. C'est pas ben ben. Tu peux te douter que c'est pas ma tasse de thé. Hein? C'était quoi l'autre, là? The Horse with No Name. Moi. Ouais. De la musique des hippies. Bonjour, Mimi. Bon, est-ce qu'il y a des sujets? Vous avez vu, là, Kiev, ils reçoivent des missiles. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a l'Iran aussi, hein? Il y a des choses avec l'Iran en ce moment. Là, bon, Dieudonné s'excuse à la communauté juive. Elle est bien bonne. Elle est bien bonne. Ben, c'est parce qu'il y a. Bon, c'est possiblement une question d'argent, hein? Et de travail. Bonjour, Berthold. Moi, ouais, il faut mettre un E à la fin. Sinon, ça fait un petit peu anglophone, hein? Juste un T. Ben, ouais. Donc, est-ce qu'il y a des choses? Y a sûrement des sujets que vous voulez qu'on jase, parce que j'ai pas. Il y a plein de choses, mais bon, j'ai comme la tête vide. Donc, bon, il n'y a rien qui me vient là. Il y a des choses que je pourrais dire, mais bonjour Jean-Paul. Ben, bonjour à tout le monde. Bonjour Estelle. Donc, bonjour. Acide. C'est-tu un jeu de mots avec l'ascétisme? Dieudonné n'est pas un bonhomme particulièrement fiable. Que dites-vous? J'ai pas eu affaire à lui, mais j'ai eu des témoignages. Mais c'est pas grave, là, je veux dire. L'affaire, c'est bon. C'est des fois la personnalité, hein, la personnalité, des fois, bon. Puis un petit problème, peut-être, bon. Tout le monde hein, veut de l'argent, mais à un moment donné, là. Donc, ce nouveau système financier mondial, moi, je ne suis pas trop au courant. L'affaire, c'est que, c'est quoi dernièrement? J'ai quelqu'un ici qui voulait commander des chèques, puis ils ont tout fait pour décourager. Ils ont tout fait pour décourager. Bon, on nous a imposé les chèques il y a longtemps. Puis maintenant, bon, on veut nous imposer autre chose. Bon, on verra, hein? On verra. De toute façon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont converti leurs avoirs en or, en argent. Même l'argent, c'est intéressant. Mais bon. Nihizos et tout ici. Bonjour. Didier, que pensez-vous de Nessara Gessara? Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est qui. Vous savez, je ne suis pas très au courant de bon. Bonjour Noé, des choses. Bon, c'est drôle, hein? C'est quoi ça? On dirait un nom sanskrit. Ça a pas. On se doute que c'est. Ben voilà, mon voisin vient de tomber à terre. Surtout pas Nessara Gessara. Ben, je sais pas c'est qui. La Banque nationale charge des frais lorsqu'il y a moins de 100 piastres dans notre compte. Ben oui, c'est une des pires. C'est une des pires. Avez-vous vu le service de courtage, les commissions? Ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment, là, ça n'a aucun bon sens. L'oiseau moqueur, je les déteste. Ouais, la Banque nationale. Ben, moi, je trouve les pires, c'est entre autres, ben, c'est le mouvement des jardins. Mais c'est une banque. Je considère que c'est une banque. Alphonse Desjardins avait créé la coopérative Desjardins, les caisses populaires Desjardins pour financer des cultivateurs. C'était ça le but, là. Puis non, maintenant, c'est des petits créanciers. Ça va finir comme au Liban. Oh, là, peut-être pas jusqu'à ce point-là. Peut-être pas jusqu'à ce point-là, en tout cas, j'espère. Ah, ben là, oui. Desjardins, voir celui parmi les pires. Parmi les pires. Il y a une dame de 96 ans, puis ils ne voulaient pas lui donner sa monnaie. Puis ils ont fini par. C'était pas Desjardins, par contre, c'est une autre institution, puis ils l'ont carrément envoyé chier. Tellement on est venu me dire ça, là. J'étais bien surpris. Quand c'est rendu, ils envoient chier les personnes âgées, c'est spécial. Par exemple, je travaille sur ce que j'appelle la nouvelle économie depuis plus de 20 ans. Ah, ben, l'économie, c'est une science de la rareté. Les bases restent les mêmes, là. C'est-à-dire, bon, ben, le blé, l'avoine, les patates. C'est ça, c'est la vieille économie, dans le fond, qui devrait revenir. Vous savez, ce matin, là, j'ai fallu que je marche un petit bout de temps. Je suis allé au dépanneur, là, c'est comme des petites épiceries, là, si vous voulez, là, pour les Européens. Puis, il fait moins 32 ici ce matin. Donc, bon, c'est pas mal le fun, ça. Ça fait du bien quand même. Moi, j'aime bien. Donc, il se passe beaucoup de choses, mais ouais. Moins 32. Avez-vous passé aux États-Unis? Ils vont vacciner les abeilles. Oh, ouais, OK. Ouais. Ben là, à un moment donné, ils vaccinaient les animaux aux eaux de Granby. Et je suis frappé par toutes ces oppositions. Non, personne ne peut changer l'économie. Vous savez, là. Le système qu'on a, il va falloir qu'il s'effondre par lui-même. Donc, ça va aller de soi, je veux dire, les nouvelles économies, ça va se créer l'être humain et plein de ressources, surtout quand ça ne va pas bien. Donc, on verra. Suite à la réunion plus 32 en ce moment, ah, je ne sais pas de quoi vous faites référence, là. Le plan, il est déjà fait. Ah oui, le plan. Ben, ça fait un petit bout de temps que nous sommes sous une autorité. Dans le fond, là. Au revoir, je vais travailler à la bergerie, système agricole autonome, sauf carburant. Ah oui, bon, ben, à plus tard. Des alliances étranges, Netanyahou et Jordan Peterson. Vous allez me trouver pas au courant. Moi, je ne sais pas c'est qui Jordan Peterson, mais Netanyahou, là, je commence. Mais pour créer quoi? On se le demande. Moi, ouais, ça dépend. Île de la Réunion, océan Indien. Ah, bon, il y a beaucoup de gens souvent dans l'île de la Réunion qui m'écoutent. Moi, je sais, c'est le département le plus éloigné de la France. Puis, vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui pousse à la Réunion que j'aime beaucoup, c'est le melon amer. Comment vous appelez ça, non, la carbose, quelque chose comme ça. Peterson et Netanyahou. Okay, c'est ça. Je ne sais pas c'est qui, Peterson. Peterson. Ben, en ce moment, là, Margouez. Ah oui, vous parlez Marose ou Margose. Oui, j'en ai reçu dernièrement. Mais habituellement, bon, je la fais venir de Taïwan. Mais bon, c'est une plante que si c'est pollué ou s'il y a trop de produits chimiques, ça ne pousse pas. Donc, je n'ai jamais été inquiet, mais Taïwan a cette qualité, hein? C'est des hommes publics. Moi, ouais, ben, je ne sais même pas un genre de psy. Ah, ouais. Ah, vous parlez Peterson? Un psycho ou un psychologue? Un psychopathe ou. Bon. Étrange. Des hommes publics. Moi, là, je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence. L'oiseau moqueur, c'est en ancienne chaîne et débloqué. S'il y en a là, qui veulent. L'oiseau moqueur, va checker ça. J'ai pas eu le temps d'approfondir beaucoup, mais j'ai vu ça cette semaine. Ah, aucun pesticide au Pérou. Ouais, il y a bien des choses qui n'y a pas au Pérou. C'est un bon communicateur. Ah, je ne connais pas du tout. Bien franchement. Ce que j'ai vu là par rapport à à Netanyahou, puis en ce moment, puis bon, il recommence là, à se préparer à bon. Vous devez avoir vu ça aussi, là. Donc, ça fait penser à Sadhguru avec Klaus Schwab. Ah. Ben non, je ne suis pas au courant du tout. Je suis plutôt ignorant, dans le fond. Pas mal, même. Netanyahou. Moi, Netanyahou, l'affaire, c'est que c'est un. Bon. C'est le. Comment je pourrais dire ça? C'est l'homme des. C'est l'homme des rabbins. Bon. Hein? Puis eux, ils se préparent. Ah, le chat. Le chat, en ce moment, il y a une infection aux oreilles. Donc, on essaie là, de rejoindre le vétérinaire. Puis, possiblement que c'est des tiques qui lui ont fait ça. Qui fait qu'il y a une infection. Donc, le peuple élu. Ouais, mais c'est pas élu au sens où nous autres, on l'entend, mais j'ai pas le choix de dire oui. J'ai pas. Vous le voyez, hein, qu'en ce moment, que bon, je veux dire, c'est. Pourquoi on subit ça, là? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi ils sont tellement importants? On n'aura pas le choix, là. J'ai commencé à regarder un documentaire sur l'envers de la médaille de la Révolution française et les techniques utilisées, on dirait le bolchevisme. Et aujourd'hui, ben oui, puis après les marionnettes, quand ils ont servi, on s'en débarrasse. C'est pour ça Danton, puis Saint-Just, puis Robespierre, ils ont passé dans leur propre machine. Puis on n'a jamais vu que derrière le rideau, les vrais personnes qui avaient. Bon, c'est difficile au niveau des historiens de savoir. Qui a orchestré ça? Moi, je pense que ça a été orchestré, entre autres, en Angleterre et en Hollande, la Révolution française. Mais bon, le peuple élu pour. Bonjour, Madame Mimi. Mettez terre de diatomée pour l'éthique, pour le chat. Je connais des gens qui ont essayé ça, là, pour des puces, puis ça n'a pas été un gros succès. Puis même du vinaigre de cidre, imaginez là, le vinaigre c'est un répulsif pour les chats, ils ont horreur de ça, imaginez là. Puis là, il y en a, on leur met du vinaigre, pauvre minou, c'est terrible. Bon, je vais voir là, possiblement que je vais avoir. Peuple élu par leur propre acharnement, faut leur donner ça, ils sont tenaces, organisés, patients, c'est des programmations. C'est de la programmation. C'est pas pour rien qu'ils sont. Des fois, il faut faire un peu attention, là. Faut faire ce qu'on dit. Les puces et les tiques sont devenues très résistantes. Je ne trouve rien de très efficace pour mon chien. Il y a des choses, mais bon, qui fonctionnent, mais. Je parle de la Révolution française. Oui, je parlais de la Révolution française aussi. Je veux dire, Danton, Robespierre, Saint-Just, c'est pas la. C'est pas la révolution bolivarienne en Amérique du Sud, ça. Quoique, il y aurait des parallèles à faire. Il y aurait des petits parallèles à faire. Ils se tiennent, ben oui. C'est sûr, c'est une programmation collective. Faut-il les admirer? C'est pas une affaire d'admiration, ça n'a rien à voir. C'est une affaire de constatation. Selon moi, selon mon conjoint, Peterson défendrait les intérêts des hommes blancs et hétéros face au mouvement woke. Ben oui, mais comme je vous dis, je ne sais pas c'est qui. Il y a eu un bug, c'est pour ça. Ah, ok, ça se peut. Ah, ça marche le son. Ah oui, non du tout, on peut garder le bon. Parlez-nous un peu de les alignements, l'alignement de la conscience et de l'être. Ah, moi. L'alignement de la conscience et de l'être. C'est étrange ça, parce que vous savez, de l'être puis de la conscience, c'est pas mal. Essayer d'être sans conscience, oui, mais c'est pas de l'être. Bon. Que constatez-vous chez le peuple élu? Le destin de tout le monde tient à eux autres. Que vous le vouliez ou pas, là. Bon, ça fait depuis que, bon, même, je me souviens, bon, même petit, là, je suivais ça avec intérêt, ce qui se passait par là. Oui, Peterson a fait son beurre exactement comme ça. Ah. Ouais, ben, c'est ça, là. Dans le sens que ça devient, comment je pourrais dire ça? Il y en a, ils se trouvent une cause, si on peut dire une cause. Puis bon, ça pourrait aider beaucoup de gens, à commencer par moi-même. Ah, vous parlez l'être et la conscience. C'est parce qu'on a une notion ben, biaisée de l'être. De l'être, surtout maintenant, quelle est cette destinée? Ben oui, ah, vous parlez les enfants d'Abraham, ben, c'est parce qu'il y a certaines forces qui les ont pris comme modèles. Dans le sens pas modèle, au sens qu'ils sont modèles, qu'ils sont parfaits, au contraire. Au contraire. Puis, c'est toute l'humanité, là, jusqu'à un certain point, je veux dire, ça serait long, là. Ça serait long à expliquer. J'ai adoré ta vidéo, la peur. Ah oui, je ne sais même pas c'est quelle. Pouvez-vous aller au fond des choses? Ça dépend, là, c'est un live, c'est un direct, ça devient difficile. Lucifer, ben, on va parler les forces yaviques. Les forces yaviques. Oui, entre autres. Entre autres, n'oubliez pas. Bon, là, ça devient complexe, là. C'est des choses subtiles, puis des fois, la forme est comme un petit peu grossière. Mais, bon, pourquoi Lucifer, au début, c'est un chérubin? C'est l'ange préféré de Dieu. Bon, puis aussi, des choses surprenantes, étranges, comme si on regarde, prenez l'histoire, l'Exode. L'Exode. Si on considère qu'il y a certaines choses là-dedans que c'est des faits, parce que moi, je ne le prends pas comme des affaires nécessairement historiques, mais les Égyptiennes vont être mortes de peur. Les Égyptiennes vont être mortes de peur. Pourquoi? Ben, parce que les plaies d'Égypte, à un moment donné, il y en a un qui parlait, oh, les 7 plaies d'Égypte. Non, non, il y en a 10. Il y en a 10, puis c'est toutes des attributs du Dieu 7. Et les Égyptiennes vont être mortes de peur. Ben, c'est très inquiétant, hein, des choses comme. Bon. En tout cas, partout où je regarde dans les médias et toutes les institutions, moi, je ne les regarde pas tant que ça. Il y a nos chers amis. Ben oui. Ben oui, comment ça qu'il y a une programmation comme ça? Comment ça se fait que dans Notre Père, on dit que ton règne arrive? Ben, c'est parce que c'est pas encore là. C'est pas ça qui règne encore. Hein? On n'a pas tous le même père. Pourquoi il disait vous avez pour père. Hein? Qui était menteur dès le début, puis meurtrier. Satan serait-il une des personnalités de Lucifer? Bon, là, ça devient complexe. Hein? Parce que, bon, on dit, je voyais Satan chuter comme l'éclair. Bon, Satan, c'est très planétaire. Très, très planétaire. Tandis que Lucifer, là, on pourrait parler d'un petit peu plus. Est-ce qu'on pourrait parler le ciel, hein, dans le ciel? L'affaire, c'est le ciel puis les cieux, c'est pas pareil. Fergul, s'il n'a pas compris la vidéo, ça dépend laquelle. Ah, je ne sais pas, je ne vois pas à quoi vous faites référence. Mais peut-être que oui, dans le fond. Bon matin, Michael, oh, pardon. Personnellement, je les vois comme deux personnages distincts. Ouais, c'est parce que c'est une affaire de hiérarchie, là. Donc, c'est une affaire, t'as encore les plans, puis bon. Mais bon, BDM explique sur Lucifer, ouais. Oui, il en a parlé. Oh, la peur. J'ai parlé de la peur. Vous allez me trouver complètement débile, mais je ne me souviens pas. Ah oh, oui! OK, ça me revient. Ça se peut, faudrait que je regarde. Dans Notre Père, dit Notre Père qui est aux cieux et non, et voilà, exactement, c'est que ton règne arrive. Ça veut dire, c'est pas le Père qui règne sur terre, là. pas celui-là. C'est pour ça. La Terre, c'est une principauté. Hein? C'est-à-dire les trônes, puis les dominations, puis les intelligences dans les lieux célestes, ce qu'on a, puis entre autres, ça va jusque sur la Terre. C'est ça qui règne, c'est le prince de la Terre, puis c'est pas le Père qui est aux cieux, là. C'est, si vous comprenez ça, vous allez comprendre bien des affaires sur ce qui se passe depuis longtemps. Depuis. Est-ce que ce que nous vivons actuellement est déjà arrivé dans l'histoire? Oui. Ben oui. C'est juste que le contexte est différent à chaque fois. Mais oui, je veux dire, prenez ce qu'on appelait le déluge. Il y en aurait eu 4. Ça commence à... Ouais. Vidéo à Fergus sur la peur, moi. La peur avec Fergus, t'en as parlé il y a 4 jours. Oui, oui, je viens de... Je finis par refaire le lien. Il existe une science qui va au-delà du supramental récupéré. Ben, c'est parce que le supramental, c'est pas une science. Mais ça peut engendrer de la science. La force, c'est que le supramental, c'est une vibration, dans le fond, c'est un état. C'est en tout cas, ça serait des affaires assez complexes. Il faudrait, à un moment donné, oui, je pourrais faire une vidéo sur ça, expliquer. C'est quoi le supramental? Ben, c'est de l'intelligence au-delà de l'intellect. Donc, bon, est-ce que c'est une science? Oui et non. Mais, donc, j'ai l'impression que oui, mais c'est seulement mon impression. Bon, pas juste mon impression. Daniel Kemp parlait que le ciel, c'était l'astral et les cieux, c'était les plans éthériques. Ouais, un supramental, ouais, entre autres. Bon, oui, je suis d'accord. Entre autres, les systémiques, hein. Puis ça, le systémique, bon, ça commence à être, c'est même plus, c'est pire que l'astral, quasiment. C'est pas aussi, je parle au niveau des conséquences, là. Ça devient encore plus, c'est autoritaire, hein, le systémique. Mais pas une autorité au sens où nous autres, on le conçoit. C'est comme, comment je pourrais dire ça? Ben, si vous manquez une marche dans un escalier, vous allez subir l'autorité de la gravité. C'est implacable, hein? Donc, bon, c'est comme si vous vous lancez dans le feu, vous allez vous brûler. C'est tout simple. Bon, en tout cas, l'intention, le contenu reste, mais les formes et les techniques changent. Ah, peut-être. Mais vous savez, j'ai aucune technique. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Mais prenez les gens qui ont beaucoup suivi Daniel Kemp puis qui ont fait partie des choses de Kemp. C'est à part, hein, de ceux qui ont été avec Daniel Ménard ou même Bernard. C'est différent. La télépathie, elle est totalement hors du phénomène de la pensée. Ben non, au contraire. Au contraire, oui, il y en a, là, mais au sens où on le vit là, sur Terre, là. Le contact avec le systémique, mais qui reste silencieux. Moi, ouais, vous savez, le silence, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le mensonge cosmique. Prenez les astrophysiciens, ils nous parlent le vide. Le vide de l'espace, c'est une illusion. Hein? C'est une illusion. Oui, fais d'autres vidéos, explications comme celle de Fergus sur d'autres sujets. L'affaire, c'est dans le fond, c'est faut pas que ça soit pris comme des explications. Parce que si on essaie de comprendre ça intellectuellement, ça marche pas. Ça marchera pas. Je fais référence aux choses qu'on voit aujourd'hui qui sont similaires à avant. Oui, oui. Ah oui, c'est très similaire. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est correct pour les télépathiques. Ben, ça dépend de quoi on parle. Souvent. Alors, c'est sûr que si on s'arrête à la forme, on ne sera jamais d'accord. Mais ça dépend là que je voulais dire par le télépathique. Mais la pensée, c'est de la télépathie. On va mettre ça autrement, on va dire de la télépsychie. La télépsychie. Il y a de la télépsychie que ce n'est pas des pensées. Non. Sinon, ben. La vie sur Terre serait complètement différente. Là. Je parle de la vie en général. Donc, mon questionnement, Et rapport à nos technologies modernes qui n'avaient pas cours au cycle précédent, ben, il y avait de la technologie. Vous savez, plus une technologie est avancée, plus elle est subtile. Puis rendue jusqu'à certains points, c'est indissociable, la magie. Donc, c'est pour ça que quand le chat voit des oiseaux à la télévision, puis qu'il essaie de les attraper, j'ai dit, arrête, là, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est pas réel. C'est pas réel. Bon, mais pour le chat, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, mais c'est de la technologie. Mais bon, Robert Robertson, je vous suggère les entretiens de Bertolt sur la chaîne de David. Ah, l'observation et la vibration sont des clés. Oui. Ah, oh ben oui. J'ai constaté plusieurs éléments qui étaient déjà présents. Quand je reste en silence dans ma tête, il y a une illusion qui s'impose sur le fait que je peux avoir une paix et que le fait de parler va gâcher cette fameuse paix. Ils sont rusés, les estimes. Ben oui. Même, il n'y a pas plus rusé. C'est une conversion pour. C'est une conversion pour permettre au psychologique de comprendre dans la forme, la pensée. Ouais, ben c'est justement, c'est lié à la forme. Mais bon, c'est au-delà de la forme. Mais il reste que c'est au niveau d'une réception qu'on va donner une forme. Mais il y a possibilité de transmettre des formes aussi. Parce que des fois, c'est juste des images. Des fois, c'est juste des formes, puis il n'y a même pas de pensée au sens où on l'entend qui va accompagner, mais c'est déjà des pensées. Donc, c'est des formes pensées. Mais l'être humain donne forme à de l'énergie sur différents plans. Donc, quand on reçoit une vibration, là, ça prend forme. Puis, c'est pour ça, des fois, des discours opposés peuvent avoir la même vibration. C'est spécial. Comme le signe Bluetooth gravé sur des monuments. Ah, ouais, j'ai pas vu ça. Puis, j'ai même pas, je me souviens même pas c'est quoi leur symbole. Ah, ok, je le vois là. C'est un B runique. Oui, d'accord, en effet, définissant le mot technologie. Ben oui, ben la magie aussi, c'est de la technologie. Je veux dire de la technologie, c'est de la sorcellerie aussi, d'une certaine façon. C'est des techniques. Dans le fond, c'est dès que vous vous servez de connaissances au niveau subtil pour agir sur la matière. Ou sur du subtil, carrément. Oui, on peut très bien parler sans couper le silence. Ah. Pouvez-vous nous parler un peu de réincarnation, si le phénomène est réel? L'affaire, c'est que on est en contact avec la mémoire. Donc, bon, c'est l'être humain qui a spiritualisé ce phénomène-là. Donc, mais l'ego, ça meurt, ça. C'est pour ça l'affaire l'âme. C'est quoi l'âme? C'est quoi ça? Bon, mais l'être humain est subjectif. Il pense qu'il se réincarne en tant qu'ego. Wow, là. C'est mortel, l'ego. Heureusement, d'ailleurs. Mais pas la mémoire, malheureusement, d'ailleurs. Mais là, ça dépend de quoi on parle. Je vais retrouver le documentaire. Ah, vous parlez. Le signe Bluetooth est une reprise d'un symbole ancien, en effet, il me semble. Ou il me semble que c'est le B runique, comment est-ce qu'il s'appelle donc? En tout cas, c'est l'équivalent de bête. Vous savez, là, en hébreu, moi, c'est le phénicien, puis bon, mes référents sont pas très germaniques ou nordiques. Hein, donc, ma petite fille de 8 ans m'a demandé une Bible l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle n'est pas d'accord dans le fait que l'homme descend du singe. Ah bon, ben, c'est correct, elle peut faire. Dans le fond, moi, ouais, mais là, l'affaire, c'est parce que. Le problème avec le darwinisme, c'est que c'est ce qu'on appelle une hypothèse de travail. La théorie de l'évolution, c'est pour ça qu'on dit une théorie. C'est pour ça, c'est comme les Freudiens, c'est la théorie psychanalytique. C'est une hypothèse de travail. L'affaire, c'est que on est extrêmement limité dans la façon dont on regarde ça. Mais vous avez toutes les règles en vous, là. Je veux dire, prenez. Le minéral, le végétal, regardez le système nerveux, regardez l'arbre pulmonaire, regardez aussi même, en tout cas, je pense que vous comprenez, là, juste un œil humain, il y a les quatre règles dedans. le cristallin, c'est pas mal un minéral, de la façon dont il fait sa croissance. Puis, bon, en tout cas, bonjour Marine. Je ne trippe pas sur l'idée non plus, moi, ça dépend. Quoi. Le silence total, est-ce que le plan éthérique systémique est frileux à communiquer? Si cela peut déstabiliser leur position, c'est l'être humain qui est limité. C'est, souvent, on va penser, est-ce qu'ils sont frileux, assis ou ça, ça c'est tout le temps le réceptacle qui est limité. Parce que le systémique, c'est un circuit ouvert. C'est l'être humain qui est en circuit fermé, puis bon. Donc, vous allez tout le temps être en contact avec ce que vous avez la capacité de capter. C'est-à-dire qu'il y a des lois, puis quand ces lois-là sont en frein, puis que ça ne suit pas un ajustement, ben là, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc, il y a des gens qui perdent la raison. Parce que justement, ils sont en contact avec des choses qu'ils n'ont pas la capacité de gérer. Mais le systémique n'est jamais frileux. C'est froid, mais pas frileux. C'est nous autres qui est frileux. Oui, mais souvent, les hypothèses deviennent des vérités par défaut. Ben, voilà, on parle de la même affaire dans le fond, là encore. Parce que ben, l'être humain est limité. Donc, il se crée des vérités. Mais les vérités, c'est jamais le réel. Une vérité, c'est un paradigme. C'est ça, une vérité. Donc, bon, le cas où l'être humain n'est plus limité, ben là, il ne serait plus l'être humain, il redeviendrait... Mais bon, on verra. De toute façon, Mel, bon matin, Mel. Bonjour, Isia. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, bonjour. Je ne l'avais pas vu. J'ai vu le site, c'est très joli. Vraiment, là. Bonjour, Benny Nero. Je commence juste à comprendre après 25 ans d'observation. Bon, ben, on se met à voir. Parce que comprendre, c'est plus prendre hein, à un moment donné. Puis des fois, on ne le prend pas. Des fois, moi, je le prends. Des fois, je viens, moi. Je ne suis pas content. La vérité est un consensus subjectif à défaut de savoir. Voilà, c'est une très belle définition. Bonjour, Maïsia, merci pour votre chaîne, le choix des vidéos publiées. J'y ai passé beaucoup de temps cette semaine. Ah oui. Des fois, je m'inquiète parce qu'il y en a, là, ils viennent de me découvrir, puis il y a beaucoup de matériel. Puis là, je deviens inquiet, puis là, c'est pour ça que je dis au monde, il faut en prendre pour en laisser. Puis, prenez des pauses. Parce que, d'après moi, comme il y a plus de 600 vidéos d'archivées, je n'ai pas envie que les gens se ramassent en psychiatrie. Là. Parce que, bon, souvent, en plus, je ne suis pas pire hein, pour faire des chocs. Donc, bon. Mais après la sortie de corps, le tripart, ah, ben, vous êtes encore une limitation après. Ben oui. Il n'y a pas d'évolution, hein. Des morts. Puis là, je ne parle pas de l'évolution darwiniste, là, ça n'a pas rapport. C'est parce que l'être humain est involué. C'est ce qu'on a appelé la chute. Hein? Je ne suis pas en désaccord, moi, avec les vieilles... En tout cas, la vérité, c'est la façon dont le réel se manifeste. Moi, il y aurait peut-être des nuances à apporter. Le vrai n'est pas la vérité, mais la vérité n'est pas le réel. Donc, bon, les pauses s'imposent souvent par effet de saturation totale. Ouais, mais il y en a qui ne s'écoutent pas. Pas dans le sens psychologique du terme, mais dans le sens que il y a une fuite vers l'avant, puis c'est jamais bon. Mais il n'y a pas tant de monde que ça qui va sur le site. C'est des connaisseurs, oui. Mais c'est parce qu'il y a d'autres sites, il y a d'autres affaires, il y en a pas mal. Là. C'est quoi? archive.org.com. Il y en a pas mal. Là. J'ai cette même inquiétude régulièrement quand je repense à mes premières vidéos. Mais avec discernement, on en prend, on l'en laisse. Ouais, parce que souvent, les gens vont interpréter psychologiquement ce que je dis, puis il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais vraiment pas, parce que ça n'a rien à voir. Donc, si c'est comme... C'est arrivé des fois que je viens à bout de faire voir quelque chose à des gens, puis finalement, après, il n'y a pas de retour en arrière, puis ça devient difficile à porter. Donc, bon, cela arrive bien, les dépressions, les mises en initiation, c'est ça. C'est parce qu'il faut avoir un petit peu, faut être un petit peu, avoir la capacité de s'être, sevrer un petit peu du psychologique. Parce que sinon, c'est trop difficile. Parce qu'il y a certaines choses qu'on finit par le voir que oui, c'est réel, mais psychologiquement, c'est pas supportable. Dans le sens que notre psyché n'est pas faite pour, bon. Dans le sens qu'on est saturé par le côté psycho-affectif. L'être humain, c'est un être qui est angoissé, qui, bon, il est existentiel. Puis, bon, il ne faut pas non plus subir un effondrement nerveux, là. Prenez des cas comme Friedrich Nietzsche. Bon, il était trop émotif, il était trop sensible, il était trop psychologique. Puis, à un moment donné, bon, il y a un effondrement sur soi-même. On ne peut pas vraiment protéger les gens de leur propre faille. Moi, c'est ça. Ben, jusqu'à un certain point, on peut faire attention. L'accumulation au fil du temps, du fait de ne pas s'écouter, peux-tu préparer le terrain pour une colère mentale ou simplement une saturation psychologique qui brûle l'individu? La colère mentale, elle va se manifester pas par moi, là. C'est pas une formation, là. Dans le sens pas du développement personnel, là. La colère mentale, si vous sortez du psychologique, vous allez finir par la manifester. C'est un peu comme. Des fois, je disais, c'est comme quand les chirurgiens ou les dentistes, ils nettoient des instruments dans une machine avec des ultrasons. Toutes les petites particules d'école. La colère mentale, c'est comme des ultrasons. Ça défait, ça. En tout cas. Ben, c'est ça, c'est le discernement de chacun qui devrait agir selon ce que chacun est capable de prendre. Oui, mais faut pas faire exprès non plus. Faut une vision, la sortie du corps est une lumière blanche qui inonde tout. Okay. Pour vous, la différence entre la lumière astrale et éthérique. La lumière astrale, bon, ça dépend, là, il y en a. Comme c'est un peu comme les histoires d'aura, là. Les couleurs, c'est des longueurs d'onde. Donc, ça va être perçu dépendamment. C'est encore l'affaire qu'on donne des formes là, à des ondes puis à du vibratoire. Mais la lumière astrale, c'est pas vraiment de la lumière. Mais c'est un petit peu bleuté, hein? C'est un petit peu bleu comme ça, là. Bon, en tout cas, c'est différent, hein? C'est très. Tandis que l'éthérique, là. Il n'y a pas de couleur. En tout cas, je comprends quel phénomène de comprendre la curiosité concernant le supramental. La conscience peut s'avérer très dangereuse. Il nécessite toutes les mêmes compréhensions des mécaniques. Moi, ben, c'est par l'observation, ça. Faut qu'il y ait une intégration de la mécanique. Là-dessus, bon, j'ai été critique, mais un qui est pas pire pour parler de ça, c'est Charles Sabourin. Puis bon. Puis même après des années que je continue d'être critique, puis je vais tout le temps considérer qu'au niveau de certaines affaires, il était, je veux dire, c'est pas pire, là. Plus mieux que Kemp. À mes yeux, c'est plus terre-à-terre que Kemp, là. Mais bon, ce qu'on n'arrive pas à apprendre, habituellement, on ne le comprend pas ou le retient pas. Il faut quand même connaître nos mécanismes de défense face au réel, oui. Oui, parce que si on regarde. La psychose, par exemple, c'est une sorte de mécanique de défense, là. C'est bon. C'est pour ça que prenez quelqu'un qui fait de la fièvre, c'est parce que son corps essaie de. Ben, c'est la même chose pour les gens qui partent dans les délires. Ils se protègent du réel ou de quelque chose qu'ils ne peuvent pas assimiler. Donc, c'est mieux de prendre une pause puis de faire attention que de devenir fou. Puis fou entre guillemets, là. Il y a du monde qui crie dans la voiture, ils considèrent ça comme colère mentale, je le sais. On vous parlait, les gens autour de Madame Hamet. Ben oui, mais à un moment donné, ils vont voir que c'est limité, très très limité. Je me souviens d'une vidéo où ce qu'elle est devant un paysage, c'est des montagnes. Puis, comme d'un genre qu'on n'a pas par ici, là. Puis elle crie « J'en ai marre d'être malade! » Puis j'avais trouvé ça touchant. Mais touchant au sens comme mon chat il a mal aux oreilles puis qu'il pleure. Mais à un moment donné, ils n'auront pas le choix de se rendre compte que c'est limité. C'est très, très limité. Puis c'est tout le temps recommencé. Tout le temps. L'homme nouveau va au-delà du systémique. Pas besoin. Pas besoin. Mais le systémique, lui, il englobe pas mal, là. Dans le sens que, bon, au-delà du systémique, là, on entre dans ce qu'on appelait l'éternité. Là, c'est complètement autre chose, là. En tout cas, tous les symptômes sont des mécanismes de défense. Ben oui. Ben oui. Puis bon, quand je viens pour regarder autre chose qu'un live que j'aurais manqué ou une vidéo récente, je trie. Le tri se fait tout seul. Je vois le titre, ça me dit si je regarde moins. Mais des fois, ça m'est arrivé. Il y a des choses que je voulais rien savoir. Puis finalement, c'est parce que c'était pas le temps. Mais bon, être en colère contre le fait ou manque de colère. Être en colère contre le fait qu'on manque de colère. C'est parce que le problème, c'est que la colère psychologique, bon, ça peut servir. Des fois, il y a même de la colère mentale moins intense derrière. Mais, en tout cas, la chaîne BDM, il commence les vidéos en russe. Ah oui, en russe. OK. À un moment donné, j'avais pensé, ce serait le fun de traduire ça en japonais. Prenez son prend, c'est quoi l'homme nouveau? Comment on pourrait traduire ça? Ben, Shinotoko. Shinotoko, l'homme réel. Mais ça serait. Les termes existent dans des autres langues, ça serait adaptable. Mais l'affaire, c'est que ça prend des traducteurs qui ont une compréhension au-delà de la forme. Sinon, ça ne sera pas les bonnes formes au niveau de la traduction. Donc, ça devient complexe. Est-ce qu'en général, tu ne prends pas la vie au sérieux, dans le sens que tu le sais que c'est une game? Ben oui, ça m'empêche pas que des fois, je suis pas de bonne humeur. Mais bon, mais certainement. Je peux pas prendre ça au sérieux parce que prendre quelque chose au sérieux, bon, c'est psychologique. Puis si je me mets à prendre des choses au sérieux, ben là, hein, je vais vieillir rapidement, puis je vais perdre l'énergie. Il faut pas. Il faut vraiment pas. Il y a plusieurs vidéos de BDM. Oui, il y en a pas mal. Mais bon, il y en a que c'est encore inédit. Puis moi, je n'ai pas accès, donc c'est pas moi qui vais mettre ça en ligne, là. Mais il y a beaucoup de choses inédites. C'est peut-être mieux comme ça. On verra. Une certaine distance face au supramental s'est produite à un moment de ma vie où je pouvais sentir que le réel impliquait, et disons que psychologiquement, émotivement, je n'étais pas prêt. Moi, ben, vous savez, le supramental, il y a le phénomène social, puis le supramental, le phénomène. Le phénomène, parce que c'est vraiment un phénomène psychique. Donc, bon. Quand, si vous venez à bout de capter de l'intelligence sans que ça a passé par l'intellect, c'est supramental. C'est ça, dans le fond. Ça veut dire au-dessus du mental. Le mental, c'est tout ce qui est lié aux formes pensées, la mécanicité intellectuelle, psychologique. Donc, y a le problème, c'est que dans le passé, c'était des bribes, hein, des bribes. Mais ça arrive. Il y a des scientifiques qui reçoivent de l'information d'un coup. Puis ça ne vient pas de l'astral parce que c'est du nouveau. Sinon, il n'y aurait pas de découverte scientifique. Donc, c'est subtil, puis le pire, c'est que c'est très sérieux. C'est à cause de ça, il ne faut pas le prendre au sérieux, psychologiquement, j'entends. C'est tellement sérieux que ça va au-delà du psychologique. Ouais, Glenn, il y a un agenda particulier avec les vidéos et tout le reste. Ouais, je le sais. Je le sais. Mais bon, c'est son affaire. Puis là, ça avance. Tac. Tic-tac. Hein? Il va peut-être finir par se rendre compte que ces chums, là, qui appellent lui, bon, que c'est des hosties de manipulateurs, dans le fond. L'affaire avec comme quelqu'un comme Bernard, lui, il savait, puis il disait. C'est des chiens, c'est des ci, des ça. Là, le problème, c'est en train de devenir les nouveaux dieux, là. Il faut pas. faut pas. C'est arrivé ça par le passé, puis bon. Yeah. Ne pas être de bonne humeur, c'est polarisé, pas nécessairement. On n'est pas pour être de bonne humeur tout le temps. Des fois, c'est l'énergie de la mauvaise humeur qui va servir, là. Vous n'avez pas été de bonne humeur avec du monde qui vient vous nuire. Ça arrive des fois. Dans ce temps-là, il faut avoir de l'autorité. Il faut être capable d'être rien qu'en masse. J'en ai des témoignages de comment il était des fois à Bernard, puis même Ménard. Il y en a qui se sont fait revirer de bord assez raide. Hein? Oh. Mais des fois, c'est ajusté. L'important, c'est est-ce que c'est ajusté ou pas. L'affaire, là, c'est qu'on polarise la mauvaise humeur, c'est pas bien, la bonne humeur, c'est bien. Non, non, ça dépend du contexte, ça dépend d'un paquet de choses. Est-ce que c'est ajusté ou ça ne l'est pas? Hein? Glenn, c'est un séducteur des hommes perdus. Ben, je dirais rien. Je ne dirais rien là-dessus, mais je ne vous contredirai pas. Au-dessus du mental, silence télépathique. Pensez-vous qu'avant de prendre des formes dans le mental, il n'y a rien? C'est juste plus subtil, là. C'est juste que c'est dans l'informe. Pourquoi on dit de l'information? Les hommes perdus manquent de goût. Bon, c'est parce que maintenant, c'est pas une affaire de... Parce que c'était juste une affaire de goût. Bon. Bonjour, Bertol. Je vous connais depuis ce matin par une vidéo sur Demandez, vous recevrez. Ah oui. Donc, vous avez dû voir que, bon... Ben oui, c'est dangereux, hein. Il faut faire attention à ce qu'on demande. N'est-ce pas un conte pour enfants de penser que cette fin de cycle annonce l'homme réel évolutif au cycle suivant? J'ai plutôt l'impression qu'on tourne en rond. Ouais, c'est ça l'évolution, mais là, on a tourné en rond pendant des millénaires. On verra. On verra. En tout cas. En fait, moi qui ne demande rien à personne, je me suis mis à prier pour être en relation avec l'énergie christique. Moi, ça dépend, là. Ça dépend. Puis là, vous avez yin-yang, là. Comme ça. Bon, ésotérisme, c'est mort. Ben oui, c'est fini. Plus très vite, j'ai pris conscience que lorsque je pense, je sais. Je suis au besoin de rien. Quand je l'entends, j'entends BDM. As-tu été guidé par son enseignement? Ah, moi, je n'ai pas été guidé. J'ai été mis au pas. J'ai été mis au pas, puis ouais. Puis je voulais même pas faire ça. Fait que bon. Supramental Glenn à sa programmation fermée. Ne blâmons pas les aveux. Ben oui, bon. Mais l'affaire, c'est que c'est pas une raison pour dire. On peut quand même être prévenu. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va faire quelques tours. Ben oui, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Ben moi, je trouve que ça s'accentue, là. Donc, bonne, mauvaise. Polarité, oui, oui. Ouais, ça fait partie de la psychologie. J'ai rencontré l'ami de ma blonde qui fait de la canalisation. Cette fille est très anxieuse, hypersensible. Je discute et tout va bien. Le lendemain, elle écrit à ma blonde disant que je l'ai mis dans marde. Ah, ouais. Méfiez-vous ben gros. Méfiez-vous ben gros. Il y en a une là, dans le supramental qui avait dit à ma conjointe que ça serait une petite passade de quelques semaines, puis ça fait 6 ans de ça. Hein? Mais moi, je le savais que c'était de la merde, fait que j'avais dit. Tu fais pas ce qu'elle dit, elle, qu'elle mange la merde. Elle va finir par manger sa propre merde. Puis là, supposément qu'elle est tout le temps malade, la dame. La Trinité sacrée du Québec avec Sandra, Sylvie et Glenn, 4 000 $. Et le tarot te dit ce qui va se passer en février, ben oui. Bon, je vois pas. Génial, ça, ouais. Beaucoup, beaucoup plus subtil au-dessus du supramental. Qu'est-ce qu'il peut avoir au-dessus du supramental? Je veux dire, le mental, c'est une limitation, c'est un filtre, puis c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une chambre froide de cristallisation, un cristallisoire, tiens, comme dans un laboratoire. Donc, tout le reste est au-dessus du mental, donc tout le reste est supramental, que vous voulez ou pas. Mais bon, n'y a pas. Ouais. J'espère que les prédictions pour le 24 février 2023 seront fausses. Sinon, ça ne va pas être drôle. Ben, ça me dit que ça va être drôle. Mais il ne faut oublier jamais qu'eux autres, ils ont un système C'est de l'humour dégueulasse un petit peu. On pourrait parler, Mané BDM, il dit, c'est de la politique cosmique. C'était cœur. C'était cœur. L'affaire qui m'a marqué de BDM quand il dit que c'est pas contre l'astral que l'homme est en guerre, mais contre les forces de la lumière. Ouais, ça dépend, là. Ça dépend. Mais l'astral, c'est des forces retardateurs, entre autres. C'est de la gestion. C'est de la gestion. L'être humain, il fallait qu'il développe un intellect. Et c'est un passage obligé. Donc, bon. Mais, ouais. On pourrait dire ça. Prévenu, quel rapport? Ben, ça dépend, là. Vous parlez de quoi? Moi, je vous dis, bon. Ah non, moi, j'essaie des fois, je me dis au monde, je prenais rien pour du cash. C'est ça, là, être prévenu. Prenez rien pour du cash. Parce qu'il y en a, sont dans l'assertion pas mal. Puis c'est doctrinal pas mal. Du monde qui ont reçu Luc Jouret, qui ont reçu Raël. Puis ils le sentaient pas. Ils le sentaient pas, ils le voyaient pas. C'est pour ça, moi, je dis attention. Attention. Même faire très attention. Hein, quand dans le doute, aussi bien s'abstenir, tant qu'en avoir. Donc, c'est tout le temps un indicateur de quelque chose. Moi, c'est plus que du doute, là. En tout cas, ben, ça dépend pour qui. On est manipulé par l'astral. On est manipulé par tout. Que ce soit l'astral, le systémique, par tout, tout, tout, par ben, même. Je veux dire, il n'y a rien d'autre que de la manipulation, quasiment. Il n'y a rien d'autre, quasiment. Fait, bon. Prenez là, le spirituel là-haut, là-bas, puis après, ça fait une quoi, là, vous êtes sur la planète, là, la politique, là, gauche, droite, et c'est chez tous les bords tout le temps. Prenez les scientologues, là. Leur symbole, c'est des triangles séparés avec un S, puis une croix avec un X dessus. Je pense qu'inconsciemment, ils ne se sont pas rendus compte à quel point, je veux dire, les gens, dans le fond, sont honnêtes inconsciemment. C'est involontaire, mais c'est très honnête. On finit, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite. Pourquoi blâmer des aveugles, n'est-ce pas, se réconforter de l'illusion de l'ego? Écoutez, là, Germaine, l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui suivent des aveugles vers des précipices. Moi, je dis juste, ben là, attention, je dis pas, je ne blâme pas, là. Mais là, si vous êtes ici pour venir me défendre, là, blablabla, les aveugles, bon, ben, regarde, allez prier pour son salut, puis crissez mon patience. Parce que là, ça devient fatigant, là. Dans le sens, je le blâme pas, là. Moi, je vous dis ce qu'il y a en arrière. Si je blâme ce qu'il y a en arrière, je le considère comme une victime. C'est-tu clair? Comme une petite fille abusée par mon oncle. Est-ce que c'est plus clair? Puis après, bon, il y a des reproductions par mimétisme. Je le vois vraiment de même. Donc, l'affaire, c'est pas que je blâme un aveugle. J'ai de dire qui est aveugle. C'est pas pareil, là. Vous allez me faire choquer. Bonjour, je vois plus clair depuis que je t'écoute. Moi, mais faites bien attention, méfiez-vous de moi aussi. Vous savez, c'est pas parce qu'il y en a qui sont aveugles que moi, je suis pas myope comme une taupe, dans le fond. Possiblement. Moi, ce que je vous dis, croyez jamais personne, prenez rien pour du cash. C'est même moi. Ben, je ne suis pas pour dire croyez-moi. Ça n'aurait pas de bon sens, ça. Ça ne serait pas logique, ça ne serait pas cohérent, puis ça n'aurait pas de bon sens, ça n'aurait pas d'allure. Empêchera cela en le dénonçant. L'affaire, ce n'est pas d'empêcher. Moi, je m'adresse à des individus. Les individus. Je dis juste attention. C'est tout. Je ne m'adresse pas à une masse. Là. Je m'adresse pas à une masse. Le 24 février, c'est le mariage surprise de Mel Goyer. Non, ben non, M. Glenn, il n'a une madame. Mais non, là, franchement, là, ça, c'est une joke. C'est un sketch de la comédie de situation. Votre avis sur les commentaires d'Aurélia, elle fait des consultations supra, elle a un site pour consulter, j'ai tout lu sur son site, je ne sais pas c'est qui Aurélia, Je vais être franc avec vous autres, je me promène pas bien, bien. Je suis pas au courant de ce milieu-là, bien, bien. C'est un milieu que j'aime pas. En tout cas, l'oiseau moqueur, je suis peut-être en retard, mais j'étais pas tombé là-dessus avant Geneviève Guilbeault, ancienne livreuse de pizza. Oh. Hein? je parlais pas pour vous, mais pour l'Assemblée, le plus manipulateur, dimension englobant l'astral. Je suis en guerre, opposition depuis 7 ans. Si vous faites l'erreur d'être en guerre contre ça, vous allez perdre. Ça aussi, j'ai prévenu du monde là-dessus. J'en ai vu du monde qui faisait la guerre au plan. Ils finissent mal, là. Hein? Qui es-tu? Pourquoi fais-tu des vidéos? Ça fait 7 ans que j'en parle. Moi, j'exerce ma parole. C'est comme un exercice. Pourquoi faire du jogging? Pourquoi? Pourquoi je fais des entrevues avec David Lévesque? Puis j'ai tout le temps été une règle. Faut pas que je sois au courant des questions d'avance. Faut pas que je réfléchisse. Parce que justement, non, c'est un exercice. Vous, vous mangez, pourquoi donc? Pourquoi vous respirez? Pourquoi faites-vous ça? J'y arrive. Bon, on peut rien empêcher, on peut juste éviter. Ah, c'est ça. C'est de passer à travers. Là. On n'empêchera pas les déprogrammations, mais on peut passer à travers. C'est pour ça l'affaire être son propre programmateur. Souvent, c'est identifier les programmations. Puis bon, juste par l'observation, oh, ça se défait. Puis là, on voit autre chose, autre chose, autre chose. Toi-même, Berthold, est-ce que tu te crois à pas une seconde? Pas du tout. Mais pour ça, je ne dirais jamais au monde de me croire. Mais souvent, je suis tombé juste. Puis je me suis pas vraiment jamais contredit, c'est-à-dire même des vidéos dont je me souviens même pas. C'est l'oiseau moqueur, à un moment donné, il m'a partagé une vidéo de 2017, je m'en souvenais même pas. Puis je disais presque exactement ce que je dis dans la réponse à Fergus sur la peur de dette. Puis je m'en souvenais pas. Puis pourtant, c'est tout cohérent. Puis moi-même, je suis surpris, parce que c'est comme ça vient pas de mon intellect, en tout cas, pas tant que ça, là. Si l'on rit des autres et que nous sommes pas capables de rire de nous-mêmes, est-ce que j'ai l'air de pas rire de moi-même? M'avez-vous vu? M'avez-vous? Non? Hey, j'ai l'air d'un concierge. Bon, c'est un peu ça et tout. Perso, je trouve que tu as une belle vibration. J'aime tes subtilités dans divers sujets. J'aime les côtés intellectuels de ton élargissement, blablabla. Bon, ben, c'est trop gentil, là. Faut pas non plus me rendre gêné. En guerre dans le droit du mental, les observations ne prenaient pas au pied du mot la forme, il n'existe pas de mot pour définir ça. Oh, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. L'affaire, c'est qu'il y a une différence entre exercer une territorialité et une centricité, puis là, commencer à déclarer la guerre au plan. Parce que si vous déclarez la guerre au plan, moi, je vous avertis tout de suite, ils vont gagner. Ou bien, ils vont vous mettre. Puis ça, ben, avec le temps, j'ai vu beaucoup de monde qui se sont vraiment auto-détruits là-dedans. Puis c'est vraiment auto-détruit dans le sens que on ne peut même pas blâmer les forces. Là. Ils se sont mis. C'est un peu comme quelqu'un qui s'en va au milieu de la route puis qui va arrêter le trafic puis que les camions passent dessus. C'est, on ne peut pas. C'est toujours terrible. J'aime pas ça penser à ça. Moi, je trie amplement de moi-même. J'ai zéro problème avec ça. Bon, sacrément, Germaine, on peut-tu avoir du fun? Ben, moi, j'ai du fun. Puis pourtant, je suis considéré comme quelqu'un d'austère puis de sévère. Ben, j'ai du fun. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Faut pas que je ris trop, ça fait des percutations. Bon. Bertel, le concierge. Oui, ça, dans l'astral, partout. Puis même là, je ne suis pas si bon que ça. Qui mange la marde, ces astuces-là. Ouais, oui. De toute façon, c'est ça qui mange. Je veux dire. C'est un. Bon. Le taux d'hérison détruit tous les drames et nous crée des amis. Oui. Mais d'un autre côté, il y a des affaires que. S'il y a des choses, si je les prends pas au sérieux, c'est justement parce que c'est très sérieux. Il y Il y a des choses que je vais être léger avec, justement, parce que c'est très lourd et c'est très grave. Puis le supramental, c'est un des domaines qu'il y a le plus de monde dangereux. Énormément de monde dangereux, puis les gens ne se rendent pas compte à quel point. À quel point. Puis c'est aussi dangereux que tous ces autres milieux-là, que ce soit l'ésotérisme, puis bon. Puis j'essaie tout le temps de faire attention. Puis bon. Ouais, Berthold, le concierge de nuit qui travaille à l'UQAM. Ben, tant qu'à travailler avec l'UQAM, aussi bien que ce soit la nuit. En tout cas, on va changer le mot guerre par arrachage, observation, guerre froide. Ouais, parce que comme il y a des infos que j'ai réussi à avoir, puis ça s'est confirmé par la suite, puis on ne me les a pas données, il a fallu les prendre de force. Puis ça a été vraiment, si on pourrait dire, une guerre interne. Mais là, c'est une guerre contre moi-même. Je veux dire, la guerre contre ma propre subjectivité. Vous pouvez vous battre contre votre astral. C'est ça que je veux dire par de la territorialité puis de la centricité. Mais si vous déclarez la guerre à l'astral, d'habitude, ça finit mal, ça. Ça finit mal. Puis de là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelqu'un qui décide, là, il va faire la guerre à l'astral. Il y a Bernard qui a dit qu'il l'avait fait, puis il disait qu'il le faisait, mais jusqu'à un certain point, même si ce qu'il a laissé, c'est un peu un germe de quelque chose, il a laissé des armes pour les autres, mais il reste que jusqu'à un certain point, ils ont gagné. Puis ils finissent tout le temps par nous avoir. Pourquoi? Ben, c'est des programmations. Puis c'est assez bon. On va changer le mot guerre, OK? Oui, faites attention au gourou du supramental, moi. C'est pour ça que là, il y en a, c'est parce que c'est leur commerce, c'est un commerce. Malgré qu'il y en a que j'ai été critique, puis avec le recul, je me rends compte que c'était très bien. Daniel Ménard, entre autres, je dis pas que c'était parfait. Je dis pas que c'était parfait, mais l'image que j'en avais, c'était liée à des gens qui avaient eu des confrontations avec lui. Puis par après, je me suis rendu compte que ces gens-là étaient extrêmement malsains, puis qu'ils avaient raison de leur crier par la tête, puis ils avaient raison de les mettre dehors, puis ils avaient raison. Mais non, ils l'avaient senti. Moi, des fois, oui, je vais le sentir tout de suite, que quelqu'un est chevauché, mais j'ai un petit côté fleur bleue, j'ai un petit côté. Je vais finir par, je vais être porté à me dire, ah oh, ben non, la personne, c'est pas si pire que ça. Il y a toujours moyen que. Mais finalement, non, il y a du monde qui sont chevauchés, puis ils sont dangereux. Puis bon, c'est pour ça que, ouais. Il y a du monde, là, c'est quasiment En tout cas, il y a du monde, puis pourtant, ils font de la consultation, là. Donc, j'ai fait une vidéo, c'est avertissement par rapport au milieu du supramental. Puis, je ne me souviens pas de tout ce que je dis, mais je suis sûr que c'est encore correct, puis que je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, je suis très critique de Kemp, puis pas mal moins de Ménard. Je me rends compte à quel point Ménard, moi, c'était pas pire. C'était pas pire. Puis, même, voyons, d'autres. Prenez Marc de la Salle. Il y a eu toute une programmation. En tout cas, mais il a amené quelque chose. Il a amené quelque chose. Oui, il est peut-être un peu moins charismatique que d'autres, mais il risque, bon, ça a quand même une utilité. À un moment donné, ne pas s'arrêter à la forme face à des mots. La force, parce qu'on peut sentir ce qu'il y a derrière la forme. Ben, juste par le langage que les gens utilisent. C'est pour ça, des fois, je vais dire au monde, regarde l'expression que tu viens de prendre. Regarde-la comme faux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est une cristallisation, la forme. C'est une cristallisation. Prenez les remous de l'eau. Les gens qui ont fait de la navigation, à un moment donné, on peut savoir s'il y a des pierres dans le fond de l'eau, même si c'est des dizaines de pieds, juste par la forme des remous de l'eau à certains endroits. Donc, c'est un peu ça, la parole, puis le langage au sens de la forme. Des fois. Donc, des fois, ça peut être fiable. Et êtes-vous certain de ne pas être chevauché? Non, je ne suis pas certain. Si je vous réponds que je suis, vous savez, ça, c'est une question piège. Mais prenez-moi pas pour un épée, Germaine, puis je vais être franc avec vous, à date, vous êtes un peu tannant. Le supramental peut mener au suicide. Ben oui, ben oui, ben oui. Oui, parce que il y a certaines affaires qui vont se défendre. De toute façon, il y en a qui ont des programmations que ça n'avait pas été le supramental, ils se seraient suicidés pareil, puis arrêtés dans d'autres choses. Donc, ouais. Cam qui est louche en crise avec ces informations qui semblent grandioses, voilà. Et les fameuses expériences qu'il fait avec ses groupes, ouais, le groupe des chefs, puis on est pas mal proche du spiritisme, là. C'est pour ça que, bon. Puis d'ailleurs, il n'avait pas fait son séminaire complet, à ce qu'on m'a dit avec Bernard. Donc, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, bon, moi, l'affaire, c'est quoi? Donc, il y a un audio de Kem que là, j'ai allumé. Là, j'ai allumé, j'ai dit non, non, ça va faire, puis à ce temps, je ne suis plus capable. Pourtant, c'est super ajusté. Ce qui sort des fois, Kem, puis c'est pas tout acheté, là. Donc, mais c'est pas tout à acheter non plus. Faire des consultations chez certaines personnes, vous pouvez sortir plus fou qu'avant de commencer des consultations si je fais monsieur. C'est ça. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de suggestions. Il y a de la suggestion, il y a du conditionnement. Fait que la personne, bon, il y en a que où ils travaillent au niveau de la conscience, puis ce qu'ils vont faire au niveau d'une clientèle, c'est suggestionner de la conscience, que la personne, elle ne va pas être nécessairement plus consciente, mais elle va être auto-suggestionnée, elle va se penser plus consciente. Puis elle va payer pour ça. Puis là, je parle pas les frais, là, je parle, elle va payer pour, parce que tout ça paye. À un moment donné, c'est le discernement, là. C'est d'avoir du discernement. Si vous allez chez quelqu'un, puis que vous sortez de là en pensant avoir plus de discernement, puis que dans le fond, vous en aviez moins, bien, tôt ou tard, bon. Comme je disais à un moment donné, vous allez vous enfarger dans le tapis, un tapis qu'un vendeur de tapis vous a vendu, puis vous allez être conditionné à penser que heureusement que le tapis était là, sinon vous vous seriez fait plus mal encore. Mais c'est si vous ne seriez pas tombé s'il n'y avait pas eu le tapis. Comprenez-vous là un peu, je le vois de même. Donc, bon. Si la forme est trompeuse, pourquoi s'y attarder? Vous répondez à votre propre question, là. Vous rendez-vous compte que c'est un. En tout cas, il n'y a rien de pire pour un être curieux que de tomber sur les audios de Camille, voilà. Ben oui. Oh, ben là, ne mettez-vous pas à vous insulter, j'aime pas. Vous m'avez fait réaliser que j'étais chevauché. Seulement, les réponses ne viennent pas exclusivement des supramentaux. Ben non, pourquoi ça viendrait exclusivement de. Si vous avez une question, ça veut dire que vous avez la réponse. Pourquoi que la question serait là, puis la réponse vient d'ailleurs? Le dehors, c'est juste un support. C'est votre propre intelligence qui est importante. C'est pour ça que moi, je mets en garde contre dès que vous êtes impressionné par quelqu'un. C'est pour ça que des fois, j'ai fait exprès pour être un petit peu antipathique. Puis je ne veux pas que le monde m'aime trop non plus. Puis quand les gens m'aiment trop, je me méfie un petit peu, puis je suis inquiet pour eux autres. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, hello, connais-tu Denis Jutra? On me ramène souvent son nom. Je le trouve pas mal pertinent. C'est une des seules personnes que j'arrive à écouter au-delà de tes vidéos. Ben, moi, ça me dit quelque chose. On m'en parle des fois, mais ben, franchement, je me souviens pas c'est lequel. C'est pas un monsieur d'un proche 60 ans qui fait des dessins, là. Quand Kim qui a passé une conférence entière à parler au monde en leur disant que Bernard était rendu trop vieux. En utilisant des analogies avec Melchisedec et blablabla. C'est pour ça que. En tout cas, la forme est trompée. Ben lui, il était jeune. C'est un petit peu ça, il est mort jeune aussi. C'est un petit peu comme quand un prophète meurt empoisonné, là, il y a un problème. Sans faire référence à certaines religions, là. Mais. Vous êtes supposé le savoir si vous avez votre contact quand on vient vous injecter de quoi qui va vous tuer. Puis là, je parle dans le cas de Daniel Kemp, qui a eu une erreur médicale puis qui a eu des conséquences. Vous êtes censé être, bon, ça, c'est des programmations, entre autres, mais bon. La forme est trompeuse par les lois d'impression, de magnétisme, entitisation, nos pensées, les pensées des autres, l'avènement, comme vivre, observer la souffrance, moi. Mais les influences. C'est pour ça que, moi, ce que je parle, c'est pas du développement personnel. C'est de la déprogrammation, dans le fond. C'est pour ça que, bon, je ne vais jamais être drastique, strict dans des formes. Là. Faut pas trop, là. Puis en plus, bon, je suis un petit peu rigide des fois, là. Déjà qu'on parle de trop vieux, il y a un problème. Et voilà. Parce que c'est intemporel, la conscience. C'est intemporel, l'esprit. Hein? Puis, même des fois, il y a des affaires que des enfants ou des personnes âgées, même en perte, ils vont sortir une affaire, puis c'est tellement intelligent qu'eux-mêmes ne le voient pas. C'est-à-dire, des fois, c'est comme si ça me répondait à travers les autres. Puis, c'est une dédicace, là. Donc, c'est même pas pour la personne qui le parle. Donc, bon, c'est une pépite d'or ce matin pour moi, ce que tu viens de dire. Si tu captes la question, tu peux capter la réponse. Ben oui. Le dehors, c'est juste un support. Le monde, à un moment donné, c'est parce qu'ils se conditionnent à penser qu'ils ne sont pas intelligents. Ben là, il est un peu là le piège d'un autre côté. Si vous pensez trop brillant, vous êtes fait aussi. C'est une affaire de discernement puis de juste milieu. Denis Jutra est un peu comme Sandra Vimont. Ah, il fait des. Il a les cheveux trempés. Bon. Je suis incapable d'écouter Kem, il me donne mal à la tête et presque la nausée. Ah oui, eh bien, ça commence à être fort, c'est comme une somatisation de quelque chose. Va falloir que j'arrête là bientôt, ça fait plus d'une heure, puis j'essaie de ne pas faire plus qu'une heure, parce qu'à un moment donné, je dis des affaires, je dis des conneries, je suis moins bon là. Bonjour de Charente, à l'ouest de la France. Ah oui. J'aime beaucoup le pinot des Charentes. Je ne sais pas si c'est produit dans votre région. Ben là, au restaurant, je ne suis plus capable de boire pantoute. Dans le sens que je n'ai plus la vibration. J'ai perdu le goût de boire des... Pourtant, j'aimais les spiritueux, j'aimais les affaires fines, puis ça m'a complètement été enlevé. Donc, bon, Kemp ou BDM, c'est du supra, mais ils n'ont pas la même façon d'enseigner. L'affaire, c'est que le supramental, ce n'est pas un enseignement. Comme Bernard, c'est pas un enseignement, là. Si on pense qu'on est fait, l'instruction, c'est pas de l'enseignement. C'est pas Kem qui a parlé enfant Teflon, oui, c'est lui. C'est un petit peu un précurseur des enfants d'Indigo qui nous ont donné. Bon. Ce que vous avez diffusé, impressionné, fut un temps. N'est-ce pas? Ce n'est plus le cas. Ah. Ce que vous avez diffusé est impressionné, que j'ai de la misère à comprendre, il faudrait reformuler ça. De toute façon, je vais devoir cesser. Depuis que je suis en éveil de conscience, m'adresse-là, bon. Je constate à quel point chaque individu peut dire quelque chose d'intelligent. Ça, oui. Ben oui, c'est pour ça que j'aime ça jaser avec tout le monde. Là. Tout le monde est intéressant. À un moment donné, on se rend compte que tout le monde est intéressant. Bonjour, j'arrive un peu tard, mais si j'arrive à suivre, je dirais prendre les responsabilités. Responsabilités propres à chacun. Oui. Mais si vous arrivez, si vous avez manqué le début, juste à copier l'affaire en haut, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez sur la vidéo de Saturne? Bon, c'est quoi ça, cette affaire-là? L'affaire, c'est que c'est un phénomène qui est lié à la magnétosphère de Saturne. De comprendre que l'astral, c'est pas juste, bon, on est influencé de toutes sortes de façons, puis on est dans un contexte, on est dans un environnement. Prenez l'expérience avec des métronomes, vous les mettez sur un cylindre, puis vous les portez toutes, puis là, ils vont finir par se synchroniser parfaitement. Ça, c'est l'influence planétaire de la Terre, entre autres. C'est des lois, ça. Donc, prenez les métronomes parfaitement synchronisés. Il y a un parallèle à faire avec le fait que, par exemple, des gens qui chantent dans une chorale, les chœurs vont se synchroniser. ou même au niveau des influences encore plus pernicieuses, les bruits de bottes parfaitement synchronisés, les défilés militaires. Donc, on est influencé par toutes sortes de choses à notre insu. Donc, moi, j'ai tout le temps déconseillé de s'intéresser trop à l'astrologie, mais il reste qu'il y a des influences, oui. C'est psychomagnétique, c'est ondulatoire, c'est vibratoire, puis il y a des lois très concrètes. Donc, c'est sûr qu'on prenait au niveau de la télépsychie. Dans notre système, ce serait régulé par Mercure. C'est des vieilles choses, là. Ben, on peut les actualiser. Parce que là, c'est le fun, on peut avoir une vidéo de Saturne puis confirmer les intuitions. Les intuitions. Dans le judaïsme, le Shabbat, c'est le samedi. Saturday. Puis leur symbole qui vient même pas du judaïsme, dans le fond, mais qui finit par en faire partie, c'est le Magen David. Donc, à un moment donné, on finit par se rendre compte qu'inconsciemment, on a dit, bon, là, c'est d'intégrer ça, là. Ça tourne le cube métatronique. Ouais, mais là, je tombe pas trop là-dedans. Mais juste comprendre que on est sous influence tout le temps. Puis plus on le voit, plus il va y avoir individuation, plus il va y avoir intégration. Pas besoin d'étudier ça avec une obsessivité, là. C'est juste par des petits détails. On voit. Maintenant, on le voit. On le voit de plus en plus. Honnêtement, je ne suis pas attiré par ces affaires grandioses, donc je sais que je ne pourrais pas tomber dans un piège comme ça. C'est triste pour ceux que ça arrive. Vous parlez Kemp. Ben, Kemp, il n'y a pas juste du mauvais, là. Hein? Donc, Trinity, elle a parlé de Mercure dans une de ses vidéos. Ah, faudrait-je voir. Bon, ben moi, je vais arrêter. Donc, merci à tous. Puis, bonne fin de semaine. Puis, je verrai cette semaine, là, si... peut-être je vais prendre une petite pause de quelques jours. Donc, bonne journée.